Chapitre 7e. Pendant que je réglais le garçon, je dis à Paulin Broquet : Je parie que vous m'emmenez faire une course peu folâtre, mais très utile. Je m'en doute, dans un cimetière, c'est exact. Il me poussa dans son auto et dit au chauffeur simplement ces mots : Clamart. Il s'assit près de moi sur la banquette du fond, roula une cigarette et se mit à regarder par la portière ce qui, je le savais, signifiait qu'il n'avait pas envie de parler. Connaissant ses habitudes, je n'avais, de mon côté, qu'à garder le plus profond silence, à fumer comme lui ma cigarette et à regarder par la portière. Je me rappelais en effet que dans ma dernière visite chez lui, j'avais remarqué sur sa table de travail, à côté de divers papiers qu'il rangea soigneusement, des petits tas de terre disposés également sur des carrés de papier. Paulin Broquet me dit alors, comme je regardais assez curieusement ces morceaux d'humus, « Oui, ce sont des échantillons de terre de cimetière. Ce n'est pas une collection affriolante. Non, mais elle nous sera très utile dans cette affaire. » Et il reprit, « Mon cher, les cimetières semblent avoir une terre spéciale, comme si le fait de garder à jamais, de dévorer l'humanité, transformait. » « Bon !»« C'est une terre gluante, une glaise, qui colle sous le lit des vivants. Sans doute, pour les avertir que cette terre les prendra en entier un jour. » La terre de chaque cimetière a sa couleur propre, qui ne ressemble pas aux autres. Ainsi, au Père Lachaise, elle est noire. Elle est rougeâtre à Montparnasse. Dans les cimetières de l'ouest de Paris, elle est grisâtre, crayeuse. En banlieue, à Clamart, surtout, elle est jaunâtre. Paulin Broquet me désigna sur la table un des paquets, me disant « Elle est jaunâtre comme la boue qui recouvrait les petits souliers de Miss Stella et qui tombait des larges semelles de l'officier américain. » Je me souviens, je vous avais vu recueillir sur le tapis de l'hôtel Columbia dans l'appartement de la divine artiste un petit paquet de boue que voici. Il me le désigna à côté d'un autre paquet plus important. Voici de la boue prise au cimetière de Clamart. Remarquez que c'est la même chose. Ces deux paquets sont de la même composition. Donc la boue que j'ai ramassée chez Miss Stella provenait du cimetière de Clamart. Et vous en avez conclu, avec juste raison, que Miss Stella et son charmant compagnon sont allés faire une visite au cimetière de Clamart. Vous avez dit vrai. J'insistais et j'ai demandé à mon ami. Cependant, mon cher, il se pourrait très bien que l'on pût trouver de la même composition ailleurs qu'au cimetière de Clamart. C'est parfaitement exact. Alors qui vous prouve que la terre ramassée chez Miss Stella provient de ce fameux cimetière de Clamart? Paulin Broquet roula une nouvelle cigarette, l'alluma et me dit. Vous savez que je ne m'aventure jamais au hasard. Je ne suis pas du tout l'homme de l'improvisation. Aussi, avant de penser que ces deux jeunes gens, dans la voiture pleine de fleurs, s'étaient dirigés vers le cimetière, je suis allé chez la fleuriste de la place Saint-Augustin et je lui ai demandé quelques renseignements sur cet achat de fleurs. La fleuriste m'a dit que l'officier américain, en plus des gerbes, des corbeilles et de toutes les fleurs qu'il enleva de sa boutique, avait acheté une couronne comme celle qu'on met sur les tombes. Très bien. Dès lors, j'étais certain que ces deux jeunes gens étaient allés faire une visite pieuse dans un cimetière. Comme je tenais la boue du cimetière de Clamart, je n'avais qu'à conclure que c'était à Clamart qu'ils s'étaient rendus afin de porter leurs fleurs. C'est très clair. J'ajoutais. Cependant, on n'a pas enterré d'Américains au cimetière de Clamart. Pendant la guerre, non. L'officier américain qui est venu avec la mission chargée de visiter les tombes de nos camarades américains tombés dans la Grande Guerre n'avait pas, en tant qu'officier américain, à faire une visite dans ce cimetière où ne reposait aucun de ses braves compatriotes. Alors, mais il y a 20 ans, oui, on enterrait un Américain. Et Paulin Broquet ajouta, « Vous savez, mon cher ami, que c'est à Clamart que l'on enterrait les condamnés, les malheureux morts en prison. En effet, c'est dans ce sinistre cimetière que se trouve encore maintenant la tombe d'un Américain nommé J.R. Warren Hood, récidiviste. Deux fois condamné par les tribunaux français. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Non, en vérité. Cet homme a été condamné pour avoir voulu tuer Monsieur Hughes J. Brewster. Je regardais Paulin Broquet avec étonnement. Mais il rangea précieusement ses petits paquets de terre dans son armoire qu'il referma, et sans vouloir me donner d'autres explications, il m'entraîna. C'est alors que nous fîmes cette visite à Davenport au journal. Maintenant, après une route silencieuse, nous arrivions à Clamart. Paulin Broquet me dit alors, j'ai posté un de mes hommes au cimetière. Je l'ai chargé de m'avertir si Miss Stella ou l'office américain y venait. Pour cela que tout à l'heure, vous m'avez vu téléphoner. Mon homme qui était aux aguets m'a averti de la venue des jeunes gens. Très bien. Mon homme m'a pour mission, si par hasard son coup de téléphone me touchait trop tard, et que je ne puisse arriver à temps pour voir les deux jeunes gens au cimetière, de les suivre jusqu'à leur domicile actuel. Quand nous arrivâmes au cimetière, une auto se trouvait devant la porte. « Ils sont encore là, » me dit Paulin Broquet. « Ce doit être leur voiture. » En effet, l'homme de Paulin Broquet, qui veillait à la porte du champ de repos, vint aussitôt devant de son chef. « Ils ne sont pas repartis, chef, » dit-il. « Voilà leur voiture. Vous allez pouvoir les voir. Je vais vous quitter. » Nous entrâmes alors dans le cimetière. Je pus vérifier l'angoissante parole de Paulin Broquet. Cette boue jaunâtre collée aux chaussures semblait vraiment vouloir nous garder, nous tenir déjà comme une proie. En suivant l'homme de Paulin Broquet par des chemins détournés à travers les tombes, nous arrivâmes en vue du lugubre carré des prisonniers. À l'écart, près du mur, est le coin maudit. Un peu plus loin se trouve le tertre sinistre des condamnés à mort. Devant le carré des morts en prison, une tombe marquée d'une croix de bois était toute recouverte de fleurs magnifiques. Devant cette tombe, Miss Stella et l'officier américain, ayant entre eux la vieille manne Dottie à genoux, priaient et pleuraient. « Voilà, » me dit Paulin Broquet, « regardez. Harry ne se doute pas de cela, heureusement. » Nous pouvions, cachés derrière une tombe formant chapelle, à quelque distance, sans aucun des trois soupçonnât notre présence, voir ce tableau touchant. Quand les trois personnages agenouillés eurent fini leur prière silencieuse, ils se levèrent. Alors le capitaine étendit la main et dit à voix assez haute pour que nous puissions l'entendre. « Oui, mon père, innocent, martyr, vous serez vengé, vous serez réhabilité. J'ai juré de regagner votre honneur. Je tiendrai mon serment par tous les moyens possibles. » Miss Stella, de sa voix divine, que semblait encore mouiller les larmes, prononça ces mots. « Mon père, j'ai mis mon cœur parmi ces fleurs, et mon amour repose avec vous. » La vieille Mme Dottie, les mains jointes, dit seulement « Mon pauvre cher ami qui êtes près de Dieu, dites au Seigneur qu'ici sa volonté sera faite et que sa volonté soit de faire le bonheur de vos enfants. » Après un dernier salut à la tombe, lentement, tous trois se retirèrent. Ils marchaient péniblement dans cette terre qui ne laissait partir les vivants qu'à regret. Ils dirigèrent leurs pas vers la sortie. L'officier soutenait la vieille maman Dottie pas à pas. Nous, plus agiles, nous étions déjà remontés dans notre voiture. Paulin Broquet avait dit au chauffeur simplement ces mots « Tu suivras cette voiture. » Le chauffeur, habitué aux manœuvres qu'exigeait Paulin Broquet, suivit avec la plus grande habileté l'auto qui avait conduit la fille et le fils du malheureux J.R. Warnhood, mort en prison. Une demi-heure après, nous savions où demeurait maintenant Miss Stella Starring. « Je pense, me dit Paulin Broquet, que l'heure n'est pas encore venue de révéler cet important secret au bouillant Harry. Je crains que son ardeur, son emballement, me cause quelque gêne dans l'exécution de mon plan. » Il ajouta, « car nous n'avons pas fini. » Il donna alors au chauffeur l'adresse de l'hôpital américain à Neuilly. « Personne, me dit-il, au service américain, à l'ambassade, même à la légation, ne connaît le capitaine Warnhood. Il ne figure pas sur la liste des officiers en mission, chargés de s'occuper des tombes des Américains tués pendant la guerre. « Vous pensez, demandai-je, que c'est un faux capitaine, un Américain qui s'est nommé lui-même officier, pour arriver plus facilement à un but qu'il se propose et que nous commençons à entrevoir ?»« Non, » me répondit Paulin Broquet, « je le crois sincère et loyal. Alors ?»« Alors il se peut que ce brave garçon, pour des raisons faciles à comprendre, pour ne pas entraver sa vie, n'ait pas voulu porter jusqu'à nouvel ordre le nom déshonoré de son père. Peut-être a-t-il, comme sa sœur Miss Stella, pris un autre nom. Il vous sera dans ce cas difficile de savoir. Aussi ai-je pris une autre voie. » Il entra dans l'hôpital américain, fit passer sa carte et demanda à voir simplement le pharmacien-chef. Avec la plus grande obligeance, le pharmacien-chef nous reçut et nous fit entrer dans le salon qui précédait son office. Sans donner d'explication, Paulin Broquet, agissant en Américain, vint droit au but. Il dit au pharmacien-chef, Vous préparez ici un certain remède pour un capitaine de la mission douloureuse des tombes de vos compatriotes morts en France. Ce capitaine a parfois des syncopes, des arrêts du cœur. » Le pharmacien répondit immédiatement, sans aucune hésitation. « Parfaitement, c'est le capitaine James Allison. Je ne savais pas son nom. C'est un brave garçon, un vaillant, qui a été grièvement blessé à la guerre. Il a encore maintenant du mal à se remettre. Vous lui préparez, reprit Paulin Broquet, un cordial énergique, autant qu'il me semble, à base de quinquina, dans lequel entre de l'aconite, de la digitale, dans un mélange d'éther. C'est parfaitement cela. » Non sans inquiétude, le pharmacien-chef demanda à Paulin Broquet, « Est-ce qu'il est arrivé malheur au capitaine ?»« Nullement. J'ai simplement besoin de le voir. J'ai pris rendez-vous avec lui pour aujourd'hui et je ne sais où lui téléphoner pour lui confirmer l'heure de ce rendez-vous. J'ai donc pensé que vous pourriez ici me donner son adresse. Rien de plus facile, en effet. Je vais vous la donner immédiatement. » Le pharmacien-chef, très obligeant, consulta son registre et donna à Paulin Broquet l'adresse du capitaine James Allison. Le capitaine demeurait place des États-Unis, à quelques pas de chez moi. L'hôtel qu'habitait Stella Starring se trouvait, avenue Kléber, tout près. Après remerciements et cordiales poignées de main, nous prîmes congé du bienveillant pharmacien. Une fois dans la voiture, Paulin Broquet consulta sa montre. « Bon, il doit être rentré, après avoir conduit Stella chez elle. » Il donna au chauffeur la nouvelle adresse et me dit « Si par hasard il n'est pas encore rentré, nous l'attendrons, car j'ai besoin de le voir immédiatement. »